12. La crise au check, mec. Grosse dédicace à Ousine et Asdin. Ouais, ouais, Ousine et Asdin. À 3-5-5. T'es bien, les gars. Attention aux jaloux qui m'atteignent et à qui se posent autour de ma tête. La moto debout, j'ai les yeux dans le ciel. Soit disant non, embrouille, même pas tu m'appelles. Même pas tu m'appelles. Arrête tes blabla, tu me mets pas la pile. Et arrête de parler de moi à toute la ville. S'il y a un problème, je suis au check, je suis posé tranquille. Petite merde, petite merde. Je vais trop vite, j'évite les fits. À part avec tous les gens que j'aime. En forme olympique, pas le temps pour les pics. Je vais remplir des salles avec le check sur la scène. Obscène, les Schmitt on s'aime. On se mélange, passe comme ça dans le cinquième. Sur la route de la perquise, ça m'a vu, je suis passé me noter vers septembre. Y'a pas de thème, y'a pas de blême, y'a plus de peine, y'a que de la haine. Le sang de la veine, comme t'as fait sur la chaîne, sur le KTM, la jeunesse passe crème. Mercedes en fumette et 9 millilis. Je m'habille en DP comme Billy. En buvette, ça s'ambiance sur Atilili. Dans ma zone, c'est campé et gros délili. Ça écoute cassage de nuque et ma jolie. À la majorité, ça veut son charbon, ses sous, son shit, son arme et son bolili. C'est le man fort, celui qui se démène, celui qui se démarre, celui qui se débrouille. Énervé, je débarque en freestyle, je suis très fou. Des fois, ma bouche crache des douilles. Une baffe dans tes dents. Je t'aime bien des fois, non, ça dépend. Ça rentre, sort avec des plans. On m'a dit que dedans, ça se chauffe pour des blondes. Ça fait des bandes, c'est chacun sa mère. Ça crée des gangs, les ennemis font des bons. Ça sort les dents, ça sort l'écran derrière. Maison derrière, on m'a dit qu'il n'y a rien d'élégant. Faut tout croquer, je fais plus de showcase. Mais ils me voient sur scène, ils sont choqués. Ils sont choqués. Ils sont choqués. Entassé dans la caisse, on est serré. Je suis très discret, je fais pas le désirer. Ce qu'ils disent sur moi, ouais, rien à cirer. J'ai fait du rap à loisir. On est là, on est posé. On regarde les flics passer. Le péton n'est pas bien tassé. Le poteau au PMU, il veut les raser. Le travail, c'est la récompense. Toi, t'es endetté pendant que c'est qu'on danse. Y'a personne à toi qui pense. Tu leur avais donné toute ta confiance. Pour toi sur le tech, je lâche pas le steak. Je vais les mettre en Y, c'est la caisse quand y'a à sec. Identifier la recette, je suis le même, je reste simple. Le week-end, tu es au quartier, pas dans les soirées jet 7. Venez, venez, même si vous êtes 7. Je suis dans le secteur comme Adèle et ZZ. Je suis pas de ceux qui s'en mettent dans le zen. Dédicace aussi à Salon et à Luna ZZ. D'une tasse, ne fais pas trop quand ça roule, quand tu me classes. Quand tu vois, faut que je fasse, c'est de la fortune classe. Quand tu oublies, mais ils oublient pas. Quand dans le campus, tu laisses plus d'une trace. Ils se rappellent de leurs bonnes actions, mais se rappellent plus que tu leur as fait plus d'une passe. Je me lève sur le matin comme le T-Max qui tourne. La vérité, si je veux demain, je quitte tout. Je me pose au check, flash, je fais tout péter des embrouilles en m'en faire sortir le couteau. Tu les niques tous, mais tu parles de qui? Quoi de moi? Je mets le stun sur Becky. Tu les niques tous, mais tu parles de qui? Quoi de moi? Je mets le stun sur Becky. Bye, fais mes bye, laissez-moi là, lui c'est le sang du sang, je regarde pas ça moi là. Je vois là depuis le temps, je suis resté moi là. Dédicace à tous mes mois des dans les barrages. Y'a des barrages, c'est pas drôle. J'en veux à ceux qui m'en veulent. Je gamberge quand je suis au sol. J'écoute maman quand elle m'engueule. Je fais le con, je rigole avec les potes que je connais depuis l'école. Dieu merci, j'ai la musique. Grâce à ça, je suis le seul qui n'a pas goûté la tolle. Tolle, folle le pactole. Ça rime fort, mais c'est pas bon. Quand tout ça pareil que tu coules, tu fais des bons au plafond. Bon au plafond, bon au plafond. J'aime le sang, c'est dans mes veines. Les vrais ressentent ma peine, ma haine. Capuché, je traîne. Pour pas qu'on me reconnaisse, car à skip, je gêne. À cause de le check est mort. Y'a même plus de chaleur humaine. Un 3-5 sur la plaque. Ils m'atteignent pas, c'est schlag. Je rigole quand sur moi, ça fait des blagues. Je rigole quand sur moi, ça fait des blagues. V'là les problèmes et rebelles. J'ai le poignet en feu, défarmant les menottes. T'inquiète pour la mission, là j'ai vu l'autre. C'est la moula, vas-y tire de là. Te boule au ventre quand tu reçois de l'état des lettres. Quand ils te percutent de bon matin, qu'ils te font l'état des lieux. La famille les sent, y'a rien de mieux. On me dit quoi de neuf, je prends tout de vieux. La la la la la. Je suis dans ma soucoupe, c'est la fusée. La la la. J'aime trop la zic que c'est abusé. La la la la. Je suis dans ma soucoupe, c'est la fusée. La la la la. À planète rap, c'est la fusée. La la la la. Dédicace au ciné, même à Zin. La la la. ma tête, tu précises. Frérot, tu le sais, je m'en fous coincable. Tu me verras pas me vanter, assume si tu me zappes, c'est mieux. Ouais, je te le dis d'entrée. C'est ton fin de rap depuis mes 9 ans, je fais que rimer. Ouais, c'est ce petit blague qui travaille, qui s'en fout d'être mais je me réfugie dans le son, sinon je serais où dans le sang. J'aurais peut-être fait pleurer maman sans en être conscient. Dans des cours alléchants, dont j'aurais fait le méchant. Sur le tour et je tombe, j'en trouve la vête. Tu la frappes au grand con, ouais, t'abîmes ta femme. Sous le regard de tes enfants dans ta tête, qu'est-ce qui se trame. Tu fais le show pour rien, tu lèves le temps, tu prends des grammes de toi, tu dois avoir. À ta go, fais pas le mec de la street, t'as balancé dans le berlingo. Dans la zone, ça c'est farci, un bon lingo. J'arrive pour les traumatiser, tous réglés, tous fixés. Bordel d'arpènes matrixé, le troisième doigt en l'air. Pour les fils de pute, il me reste des glaires. Oh les fils de pute, ils vont te voir par terre. Pour les fils de pute, dis j'ai d'être vulgaire. Oh les fils de pute, oh les fils de pute, oh les fils de pute. Excusez-moi, ils m'ont mis hors de moi. Le rêve, c'est que tu prennes des années. Aïe.